Sous l'aube naissante, la forêt respire. Les gouttes perdent et le sol s'inspire. Près de ce qu'il marche, silhouette en veille. Dans chaque ombre, une promesse se réveille. Les pierres lourdes racontent des combats. Les nuits sont longues, le froid comble. Le feu vacille, mais ne meurt jamais. Sur Twitch, les drops tombent et la foule guette. Les voix s'élèvent. Prière haute, un cœur fort dans la nuit qui s'emporte. Près de ce qu'il tient ferme l'espoir. Dans chaque note, l'écho d'un soir. Un coup de feu fend le voile épais. La base tient même sous le stress. Les voix s'élèvent, hymne de fer. Riders qui l'avance, défi clair. Les liens se tissent fort et vrai. Sur Twitch, les esprits ne fléchissent jamais. Les drops tombent, éclats de lumière. Chaque instant forge notre prière. Le vent se lève, tambours battent. Le cœur s'enflamme, le doute éclate. La marche continue, l'aube est proche. Riders qui sourit, prêt pour la roche. Pas lourd sur la terre, rythme est fort. On avance, soudé comme un corps. Sur Twitch, les yeux brillent, passion. Les drops tombent, espérance chargée. Le calme revient, souffle retenu. Mais dans l'âme, le feu est tenu. Riders qui veille, gardien des rêves. Sur Twitch, la flamme jamais ne s'achève. Les feuilles murmurent, tension douce. Mais la force est là, jamais ne pousse. Riders qui lève l'épée au ciel. Sous la forêt, le pacte est éternel. Une étincelle s'allume, cri de la troupe. Le feu grand. Rien n'arrête cette marche sacrée. Sur Twitch, chaque drop est fêté. Chaque visage, chaque nom écrit l'histoire, forge le bastion. C'est notre monde. L'aube se lève, la brume s'enfuit, mais la flamme vit dans chaque bruit. Rider skill part, fier et droit, car dans la forêt, la lutte est loin.